Le quatrième pilier de l'islam est le respect du jeûne lors du mois de Ramadan. Ô croyants, le jeûne vous est prescrit, de même qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Craignez le Seigneur. Le jeûne ne durera qu'un nombre de jours déterminé. Mais celui qui est malade ou en voyage et qui n'aura pas pu accomplir le jeûne durant le temps prescrit, jeûnera dans la suite un nombre de jours égal. Ceux qui, pouvant supporter le jeûne, le romperont, donneront, à titre d'expiation, la nourriture d'un pauvre. Quiconque accomplit volontairement une œuvre de dévotion en retire un avantage. Avant tout, il est bien que vous observiez le jeûne si vous connaissez la loi. Le mois de Ramadan, dans lequel le Coran est descendu d'en haut pour servir de direction aux hommes, pour leur en donner une explication claire et de distinction entre le bien et le mal, est le temps destiné à l'abstinence. Quiconque aura aperçu la lune chaque soir de ce mois de Ramadan se disposera aussitôt à jeûner. Celui qui sera malade ou en voyage jeûnera dans la suite un nombre de jours égal. Allah veut vous mettre à votre aise. Il ne veut point de choses difficiles. Il veut seulement que vous accomplissiez le nombre voulu et que vous le glorifiiez de ce qu'il vous dirige dans la droite voie. Il veut que vous soyez reconnaissant. Il vous est permis de vous approcher de vos femmes dans la nuit du jeûne. Elles sont votre vêtement et vous êtes le leur. Allah savait que vous aviez été transgresseur à cet égard. Il est revenu à vous et vous a pardonné. Voyez vos femmes dans le désir de recueillir les fruits qui vous sont réservés. Il vous est permis de manger et de boire jusqu'au moment où vous pourrez déjà distinguer le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. À partir de ce moment, observez strictement le jeûne jusqu'à la nuit. Pendant ce temps, n'ayez aucun commerce avec vos femmes. Passez-le plutôt en acte de dévotion dans les mosquées. Telles sont les limites imposées par Allah. N'en approchez point, de peur de les franchir. C'est ainsi qu'Allah développe, explique les versets du Coran aux hommes afin qu'ils le craignent. Cinquième et dernier pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque, où se dresse, je vous l'ai déjà dit au début, la Kaaba. Le premier temple qui a été fondé par les hommes est celui de Bekka, la Mecque, temple béni et Qibla de l'univers. Direction des prières pour l'univers. Vous y verrez les traces des miracles évidents. C'est là qu'Abraham, Ibrahim, s'est tenu debout. Quiconque entre dans son enceinte est à l'abri de tout danger. En faire le pèlerinage est un devoir envers Allah pour quiconque est en état de le faire. Allah a fait de la Kaaba une maison sacrée destinée à être une station pour les hommes. Il a établi un mois sacré, le Ramadan, le mois du jeûne, et l'offrande de la brebis, en souvenir du sacrifice d'Ibrahim. Apprenez aussi que Dieu est terrible dans ses châtiments, mais en même temps, indulgent et miséricordieux. Faites le pèlerinage de la Mecque et la visite du temple en l'honneur d'Allah. Si vous en êtes empêché, étant cerné par les ennemis, envoyez au moins quelques légères offrandes. Ne rasez point vos têtes jusqu'à ce que l'offrande soit parvenue au lieu où l'on doit l'immoler. Le pèlerinage se fera dans les mois prescrits. Celui qui l'entreprendra doit s'abstenir des femmes, des transgressions des préceptes et de rixes. Le bien que vous ferez sera connu d'Allah. Prenez des provisions pour le voyage. La meilleure provision est la piété. Craignez-moi donc, ô homme doué de sens. Ce n'est point un crime de demander à Allah l'accroissement de vos biens en exerçant le commerce durant le pèlerinage.